Mai wet mai, mai wa basuni, basuni jukumi, demo suni umwa, mamu munga mila, kuye mukutua, meme kwela mkata, kuya mukutua, usanga na chima, kutela majiba. Mai wet mai, mai wa basuni, basuni jukumi, demo suni umwa, mamu munga mila, kuye mukutua, meme kwela mkata, kuya mukutua, usanga na chima, kutela majiba. De ceux qui puisent l'eau, de ceux qui puisent. Ma mère m'avait interdit d'aller à la pêche. Moi j'ai désobéi, je suis allé pêcher et j'ai trouvé le singe qui cousait les rafias. Rivière notre eau, rivière de ceux qui puisent l'eau, de ceux qui puisent. Ma mère m'avait interdit d'aller à la pêche. Moi j'ai désobéi, je suis allé pêcher et j'ai trouvé le singe qui cousait les rafias. Ma mère m'avait interdit d'aller à la pêche. Moi j'ai désobéi, je suis allée pêcher et j'ai trouvé le singe qui cousait les rafias. Rivière notre eau, rivière de ceux qui puisent l'eau, dit ce un qui puise. Ma mère m'avait interdit d'aller à la pêche. Moi j'ai désobéi, je suis allée pêcher et j'ai trouvé le singe qui cousait les rafias.